Je prends ce que la vie offre, je jongle avec des cocktails molotov. Y'a jamais eu de love, il fait noir comme dans le coffre. Si demain tout s'arrête, j'aurais suivi le plan à la lettre. Touché par la haine d'un traître, si tu retrouves ma lettre. Tu ne fais que me filocher, je ne fais que piloter et siroter. Je suis très très dur à tuer ta petite patrouille contre cuirassé. Je vais pas m'excuser d'avoir la clim sur mon appui tête. Bah ouais, j'ai les derniers cris des marques de luxe sur mes étiquettes. C'est soit je me brise les chines ou je bibi quelques doses. Une vie honnête, pleine d'épines, une vie corrompue, pleine de roses. Les haineux sont stressés, leurs veines éclatent, ils font des AVC. Ma Dédé me dit que je suis en retard, mais je suis pas pressé. Ça les gêne que je brille dans l'obscurité. Ils aimeraient que j'avance dans l'insécurité. Je suis pas faite sur commande, je suis pas téléguidée. Je fais le plein d'émotions, j'ai besoin de vider. Ils veulent éteindre la lumière, veulent éteindre la lumière, veulent éteindre la lumière. Ils veulent éteindre la lumière, veulent éteindre la lumière, veulent éteindre la lumière, veulent éteindre la lumière. Ils veulent éteindre la lumière. Je tiens le volant de la vie comme un passeur, focus comme un guetteur. Ma vérité prend l'escalier, leurs mensonges prennent l'ascenseur. Les envieux sont des mecs bizarres, je résiste comme un maquisard lumineux. Même au mitard, je faux fiscaux dans le blizzard. Ils aiment pas nous voir réussir, mais on a connu pire. Ils vont bientôt me finir, c'est ce qu'on a entendu dire. Non, je suis pas désolé d'être en Versace dans le GT. L'alias est tellement épaisse que l'élastique vient de péter. Je brille comme une belle Trinvi, dès que je respire t'as le mort. Un guerrier vit mille vies, une lobe sa vie mille morts. Les faux frères et leurs complices viennent te parler d'union. Je peux lire dans ton vice comme sur une partition. Ça les gêne que je brille dans l'obscurité. Ils aimeraient que j'avance dans l'insécurité. Je suis pas faite sur commande, je suis pas téléguidée. Je fais le plein d'émotions, j'ai besoin de vider. Ils veulent éteindre la lumière, veulent éteindre la lumière, veulent éteindre la lumière. Ils veulent éteindre la lumière, veulent éteindre la lumière, veulent éteindre la lumière, veulent éteindre la lumière, ils veulent éteindre la lumière. J'avance, ils aimeraient que je stagne, que je me retourne, que je chute, que j'évite pas les obstacles. Impossible, je fonce, la tête haute, je fonce. J'hésite pas, je fonce, j'ai pas le choix, je fonce. J'avance, ils aimeraient que je stagne, que je me retourne, que je chute, que j'évite pas les obstacles. Impossible, je fonce, la tête haute, je fonce. J'hésite pas, je fonce, j'ai pas le choix, je fonce.